pas, tu crois où? T'entends pas que je t'appelle? Tais-toi, toi, les oreilles, tu penses peut-être que je te paye. Paillé aux corneilles, remue-toi le fion. Tu t'ennuies, c'est ça, je vais t'en donner de l'action. Bien, tiens, prends cette éponge et récure ça bien. Que ça brille quand je reviens, sinon te pointe pas demain, c'est pas la peine. J'ai jamais vu de ma vie un bêta pareil. Bouge, bouge, je crois peut-être que j'ai que ça à faire. Pourquoi il crie comme un fou? Va-t-il prier pour un sourd? Non. Toi souffre douleur à tous les coups, pour lui j'ai l'air d'un bouffeur couleuvre. Alors il me parle mal, gueule sur moi comme sur un animal. Me tutoie comme si c'était normal. Mais qu'est-ce qu'il croit? Pour qui est-ce qu'il se prend? Franchement j'en ai rien à faire qu'il ait déjà été à ma place. Et qu'un connard de la pire espèce lui en ait mis plein la face. Ou encore que ses supérieurs actuels le considèrent comme une sous-merde et le traitent comme tel. Je vois pas en quoi ça lui permet de manquer de respect à ceux qui, comme moi, travaillent dur pour sa pomme ou son entreprise. Il met la pression à tout le monde et au vu des contrats précaires qu'on se fait, on va se taire. Car on la préfère, cette vie qui frôle la terre. Un quelconque coup d'éclat qui t'expédie directement avec les tiens dans la misère. Et quand bien même, sans diplôme adéquat, tu fais quoi de beau? Dis-moi, ça m'intéresse, tu veux que je reprenne mes études? Ok, je te confie mon loyer, ainsi que ce creux dans mon ventre affamé. Je ne suis pas peureux de nature, pourtant j'ai peur du futur. J'ai peur qu'un jour mon corps ne supporte plus ce dur labeur. J'ai peur, mais garde-toi à l'intérieur. Le vrai respect ne s'établit que dans les deux sens. Le système de hiérarchie n'excuse pas son absence. On dirait que le travail est dur, moins il est payé. Le temps ne passe pas et quand on s'adresse à toi, t'as l'impression d'être un chacal qu'on t'agresse, ma foi. Et t'auras beau bosser sans chercher trop de noix, si t'as pas de spécificité, il jette et te remplace. Alors bon vouloir et à la moindre occasion.